Je veux juste être un sauvage, plus sortir de Chine, plus sortir de Chine. Pas me faire prendre en otage par la société de fous. Je veux vivre avec ma blonde de la manière qu'on choisit. La manière qu'on choisit. Pendant que le monde s'effondre à courir le profit, l'univers se rapetisse. On vit dans un poème, dans un poème. On est tellement complices, c'est l'amour qui nous mène. On apprend à tous les jours des petites choses essentielles. On se remplit, on se déboue des autres vies pis du fiel. Je veux juste être un sauvage qui vit avec sa squaw, avec sa squaw. Choisis notre voyage, on s'enligne, on y va, on pense pas à demain. Y a aujourd'hui qui compte, aujourd'hui qui compte. On cherche à lire le chemin, moi le bonheur. À petits pas, en essayant de s'ouvrir, en essayant de s'ouvrir. On sait pas où est-ce qu'on va, mais c'est sûr qu'on veut grandir. Nos rêves sont décapés en même temps que nos vieilles vies. Même temps que nos vieillis, on est mûr pour aimer par la magie de la vie. Je veux juste être un sauvage, puis sortir de chez nous, puis sortir de chez nous. Pas me faire prendre en otage par la société de fous.